236e nuit. Bostan traita le malheureux prince Assad aussi cruellement qu'elle l'avait déjà fait dans sa première détention. Les lamentations, les plaintes, les instants de prière d'Assad qui la suppliait de l'épargner, jointes à ses larmes, furent si vives que Bostan ne put s'empêcher d'en être attendrie et de verser des larmes avec lui. « Seigneur, lui dit-elle en lui recouvrant les épaules, je vous demande 1000 pardons de la cruauté avec laquelle je vous ai traité ci-devant et dont je viens de vous faire sentir encore les effets. Jusqu'à présent, je n'ai pu désobéir à un père injustement animé contre vous et acharné à votre perte. Mais enfin, je déteste et j'abhorre cette barbarie. Consolez-vous, vos maux sont finis et je vais tâcher de réparer tous mes crimes dont je connais l'énormité par de meilleurs traitements. Vous m'avez regardé jusqu'aujourd'hui comme une infidèle. Regardez-moi présentement comme une musulmane. J'ai déjà quelque instruction qu'une esclave de votre religion qui me sert m'a donnée. J'espère que vous voudrez bien achever ce qu'elle a commencé. Pour vous marquer ma bonne intention, je demande pardon au vrai Dieu de toutes mes offenses par les mauvais traitements que je vous ai faits, et j'ai confiance qu'il me fera trouver le moyen de vous mettre dans une entière liberté. Ce discours fut d'une grande consolation au prince Assad. Il rendit ses actions de grâce à Dieu de ce qu'il avait touché le cœur de Bostan. Et, après qu'il l'eut bien remerciée des bons sentiments où elle était pour lui, il n'oublia rien pour l'y confirmer, non seulement en achevant de l'instruire de la religion musulmane, mais même en lui faisant le récit de son histoire et de toutes ses disgrâces malgré le haut rang de sa naissance. Quand il fut entièrement assuré de sa fermeté dans la bonne résolution qu'elle avait prise, il lui demanda comment elle ferait pour empêcher que sa sœur, Kavam, n'en eût connaissance et ne vînt le maltraiter à son tour. « Que cela ne vous chagrine pas, » reprit Bostan. « Je saurais bien faire en sorte qu'elle ne se mêle plus de vous voir. » En effet, Bostan sut toujours prévenir Kavam toutes les fois qu'elle voulait descendre au cachot. Elle voyait cependant fort souvent le prince Assad, et au lieu de ne lui porter que du pain et de l'eau, elle lui portait du vin et de bons mets qu'elle faisait préparer par 12 esclaves musulmanes qui la servaient. Elle mangeait même de temps en temps avec lui et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour le consoler. Quelques jours après, Bostan était à la porte de la maison lorsqu'elle entendit un crieur public qui publiait quelque chose. Comme elle n'entendait pas ce que c'était, à cause que le crieur était trop éloigné et qu'il s'approchait pour passer devant la maison, elle entra et, en tenant la porte à demi ouverte, elle vit qu'il marchait devant le grand vizir Amjad, frère du prince Assad, accompagné de plusieurs officiers et de quantités de ses gens qui marchaient devant et après lui. Le crieur n'était plus qu'à quelques pas de la porte lorsqu'il répéta ce cri à haute voix. « L'excellent et l'illustre grand vizir, que voici en personne, cherche son cher frère qui s'est séparé d'avec lui il y a plus d'un an. Il est fait de telle et telle manière. Si quelqu'un le garde chez lui ou sait où il est, son excellence commande qu'il ait à le lui amener ou à lui en donner avis, avec la promesse de le bien récompenser. Si quelqu'un le cache et qu'on le découvre, son excellence déclare qu'elle le punira de mort, lui, sa femme, ses enfants et toute sa famille. » et fera raser sa maison. » Bostan n'eut pas plus tôt entendu ces paroles qu'elle ferma la porte au plus vite et alla trouver Assad dans le cachot. « Prince, lui dit-elle avec joie, vous êtes à la fin de vos malheurs. Suivez-moi et venez promptement. » Assad, qu'elle avait ôté de sa chaîne dès le premier jour qu'il avait été ramené dans le cachot, la suivit jusque dans la rue où elle cria « Le voici, le voici !» Le grand vizir, qui n'était pas encore éloigné, se retourna. Assad le reconnut pour son frère, courut à lui et l'embrassa. Amjad, qui le reconnut aussi d'abord, l'embrassa de même très étroitement et le fit monter sur le cheval d'un de ses officiers qui mit pied à terre et le mena au palais en triomphe où il le présenta au roi qui le fit un de ses vizirs. Bostan, qui n'avait pas voulu entrer chez son père dont la maison fut rasée dès le même jour, et qui n'avait pas perdu le prince Assad de vue jusqu'au palais, fut envoyé à l'appartement de la reine. Le vieillard, son père et Behram amenés devant le roi avec leur famille, furent condamnés à avoir la tête tranchée. Ils se jetèrent à ses pieds et implorèrent sa clémence. « Il n'y a pas de grâce pour vous, reprit le roi, que vous ne renonciez à l'adoration du feu et que vous n'embrassiez la religion musulmane. » Ils sauvèrent leur vie en prenant ce parti, de même que Kavam, sœur de Bostan, et leur famille. En considération de ce que Behram s'était fait musulman, Amjad, qui voulut le récompenser de la perte qu'il avait faite avant de mériter sa grâce, le fit un de ses principaux officiers et le logea chez lui. Behram, informé en peu de jours de l'histoire d'Amjad, son bienfaiteur, et d'Assad, son frère, leur proposa de faire équiper un vaisseau et de les ramener au roi Kamar al-Zaman, leur père. « Apparemment, leur dit-il, qu'il a reconnu votre innocence et qu'il désire impatiemment de vous revoir. Si cela n'est pas, il ne sera pas difficile de la lui faire reconnaître avant de débarquer. Et s'il demeure dans son injuste prévention, vous n'aurez que la peine de revenir. » Les deux frères acceptèrent l'offre de Behram. Ils parlèrent de leur dessein au roi, qui l'approuva, et donnèrent ordre à l'équipement d'un vaisseau. Behram s'y employa avec toute la diligence possible. Et quand il fut prêt à mettre à la voile, les princes allèrent prendre congé du roi un matin avant d'aller s'embarquer. Dans le temps qu'ils faisaient leurs compliments et qu'ils remerciaient le roi de ses bontés, on entendit un grand tumulte par toute la ville. Et en même temps, un officier vint annoncer qu'une grande armée s'approchait et que personne ne savait quelle armée c'était. Dans l'alarme que cette fâcheuse nouvelle donna au roi, Amjad prit la parole. « Sire, lui dit-il, quoique je vienne de remettre entre les mains de votre majesté la dignité de son premier ministre dont elle m'avait honoré, je suis prêt néanmoins de lui rendre encore service. Et je la supplie de vouloir bien que j'aille voir qui est cet ennemi qui vient vous attaquer dans votre capitale sans vous avoir déclaré la guerre auparavant. » Le roi l'en pria, et il partit sur le champ avec peu de suite. Le prince Amjad ne fut pas longtemps à découvrir l'armée qui lui parut puissante et qui avançait toujours. Les avant-coureurs qui avaient leurs ordres le reçurent favorablement et le menèrent devant la princesse qui s'arrêta avec toute son armée pour lui parler. Le prince Amjad lui fit une profonde révérence et lui demanda si elle venait comme amie ou comme ennemie. Et si elle venait comme ennemie, quel sujet de plainte elle avait contre le roi, son maître. « Je viens comme amie, répondit la princesse, et je n'ai aucun sujet de mécontentement contre le roi des mages. Ses états et les miens sont situés d'une manière qu'il est difficile que nous puissions avoir aucun démêlé ensemble. Je viens seulement demander un esclave nommé Assad, qui m'a été enlevé par un capitaine de cette ville qui s'appelle Behram, le plus insolent de tous les hommes. Et j'espère que votre roi me fera justice quand il saura que je suis Margiane. Puissante reine, reprit le prince Amjad, je suis le frère de cet esclave que vous cherchez avec tant de peine. Je l'avais perdu et je l'ai retrouvé. Venez, je vous le livrerai moi-même et j'aurai l'honneur de vous entretenir de tout le reste. Le roi, mon maître, sera ravi de vous voir. Pendant que l'armée de la reine Margiane campa au même endroit par son ordre, le prince Amjad l'accompagna jusque dans la ville et jusqu'au palais, où il la présenta au roi, et après que le roi l'eut reçue comme elle le méritait, le prince Assad, qui était présent et qui l'avait reconnue dès qu'elle avait paru, lui fit son compliment. Elle lui témoignait la joie qu'elle avait de le revoir. Lorsqu'on vint apprendre au roi qu'une armée plus formidable que la première paraissait d'un autre côté de la ville. Le roi des mages, épouvanté plus que la première fois de l'arrivée d'une seconde armée plus nombreuse que la première, comme il en jugeait lui-même par les nuages de poussière qu'elle excitait à son approche et qui couvraient déjà le ciel, « Amjad, s'écria-t-il, où en sommes-nous ? Voilà une nouvelle armée qui va nous accabler. » Amjad comprit l'intention du roi, il monta à cheval et courut à toute bride au-devant de cette nouvelle armée. Il demanda au premier qu'il rencontra à parler à celui qui la commandait, et on le conduisit devant un roi qu'il reconnut à la couronne qu'il portait sur la tête. De si loin qu'il l'aperçut, il mit pied à terre, et lorsqu'il fut près de lui, après qu'il se fut jeté la face en terre, il lui demanda ce qu'il souhaitait du roi, son maître. « Je m'appelle Gaillour, reprit le roi, et je suis roi de la Chine. Le désir d'apprendre des nouvelles d'une fille nommée Badour, que j'ai mariée depuis plusieurs années au prince Kamaralzaman, fils du roi Shahzaman, roi des îles des enfants du Kélédan, m'a obligé de sortir de mes états. J'avais permis à ce prince d'aller voir le roi, son père, à la charge de venir me revoir d'année en année avec ma fille. Depuis tant de temps, cependant, je n'en ai pas entendu parler. Votre roi obligerait un père affligé de lui apprendre ce qu'il en peut savoir. » Le prince Amjad reconnut le roi, son grand-père, à ce discours, lui baisa la main avec tendresse et lui répondant « Sire, dit-il, votre majesté me donnera cette liberté quand elle saura que je la prends pour lui rendre mes respects comme à mon grand-père. Je suis le fils de Kamaralzaman, aujourd'hui roi de l'île d'Ébène, et de la reine Badour dont elle est en peine, et je ne doute pas qu'il ne soit en parfaite santé dans leur royaume. » Le roi de la Chine, ravi de voir son petit-fils, l'embrassa aussitôt très tendrement, et cette rencontre, si heureuse et si peu attendue, leur tira les larmes de part et d'autre. Sur la demande qu'il fit au prince Amjad du sujet qui l'avait amené dans ce pays étranger, le prince lui raconta toute son histoire et celle du prince Assad, son frère. Quand il eut achevé, « Mon fils, reprit le roi de la Chine, il n'est pas juste que des princes innocents comme vous soient maltraités plus longtemps. Consolez-vous, je vous ramènerai, vous et votre frère, et je ferai votre paix. Retournez et faites part de mon arrivée à votre frère. » Pendant que le roi de la Chine campa à l'endroit où le prince Amjad l'avait trouvé, le prince Amjad retourna prendre réponse au roi des mages, qui l'attendait avec grande impatience. Le roi fut extrêmement surpris d'apprendre qu'un roi aussi puissant que celui de la Chine eût entrepris un voyage si long et si pénible, excité par le désir de voir sa fille, et qu'il fût si près de sa capitale. Il donna aussitôt les ordres pour le bien régaler et se mit en état d'aller le recevoir. Dans cet intervalle, on vit paraître une grande poussière d'un autre côté de la ville, et l'on apprit bientôt que c'était une troisième armée qui arrivait. Cela obligea le roi de demeurer et de prier le prince Amjad d'aller voir encore ce qu'elle demandait, et le prince Assad l'accompagna cette fois. Ils trouvèrent que c'était l'armée de Kamaralzaman, leur père, qui venait les chercher. Il avait donné des marques d'une si grande douleur de les avoir perdus que l'émir Giondar, à la fin, lui avait déclaré de quelle manière il leur avait conservé la vie, ce qui l'avait fait résoudre de les aller chercher en quelque pays qu'ils fussent. Ce père affligé embrassa les deux princes dans des ruisseaux de larmes de joie qui terminèrent agréablement les larmes d'affliction qu'ils versaient depuis si longtemps. Les princes ne lui eurent pas plutôt appris que le roi de la Chine, son beau-père, venait d'arriver aussi le même jour, qu'il se détacha avec eux et avec peu de suite, et alla le voir en son camp. Ils n'avaient pas fait beaucoup de chemin qu'ils aperçurent une quatrième armée qui s'avançait en bel ordre et paraissait venir du côté de Perse. Kamaralzaman dit aux princes et fils d'aller voir quelle armée c'était et qu'ils les attendaient. Ils partirent aussitôt, et à leur arrivée, ils furent présentés au roi à qui l'armée appartenait. Après l'avoir salué profondément, ils demandèrent à quel dessein il s'était approché si près de la capitale du roi des mages. Le grand vizir, qui était présent, prit la parole. « Le roi à qui vous venez de parler, leur dit-il, est Shahzaman, roi des îles des enfants de Kélédan, qui voyage depuis longtemps dans l'équipage que vous voyez, en cherchant le prince Kamaralzaman, son fils, qui est sorti de ses états il y a de longues années. Si vous en savez des nouvelles, vous lui ferez le plus grand plaisir du monde de l'en informer. » Les princes ne répondirent autre chose, sinon qu'ils apporteraient la réponse dans peu de temps, et ils revinrent à toute bride annoncer à Kamaralzaman que la dernière armée qui venait d'arriver était celle du roi Shahzaman, et que le roi, son père, y était en personne. L'étonnement, la surprise, la joie, la douleur d'avoir abandonné le roi, son père, sans prendre congé de lui, firent un si puissant effet sur l'esprit du roi Kamaralzaman qu'il tomba évanoui dès qu'il eut appris qu'il était si près de lui. Il revint à la fin par l'empressement des princes Amjad et Assad à le soulager. Et lorsqu'il se sentit assez de force, il alla se jeter aux pieds du roi Shahzaman. De longtemps il ne s'était vu une entrevue si tendre entre un père et un fils. Shahzaman se plaignait obligeamment au roi Kamarazaman de l'insensibilité qu'il avait eue en s'éloignant de lui d'une manière si cruelle. Et Kamarazaman lui témoigna un véritable regret de la faute que l'amour lui avait fait commettre. Les trois rois et la reine Margiane demeurèrent 3 jours à la cour du roi des mages, qui les régala magnifiquement. Ces 3 jours furent aussi très remarquables par le mariage du prince Assad avec la reine Margiane et du prince Amjad avec Bostan, en considération du service qu'elle avait rendu au prince Assad. Les trois rois, enfin, et la reine Margiane, avec Assad, son époux, se retirèrent chacun dans leur royaume. Pour ce qui est d'Amjad, le roi des mages qui l'avait pris en affection et qui était déjà fort âgé, lui mit la couronne sur la tête, et Amjad mit toute son application à détruire le culte du feu et à établir la religion musulmane dans ses états. Avertissement du traducteur. Les auteurs des premiers volumes de ces contes ont été fatigués que l'interruption de Dinarzade apportait à leur lecture. On a remédié à ce défaut dans les volumes qui ont suivi. On ne doute pas qu'ils soient encore plus satisfaits de celui-ci, où ils ne seront plus arrêtés par les autres interruptions à chaque nuit. Il suffit qu'ils soient instruits du dessin de l'auteur arabe qui a fait le recueil. On trouve de ces contes en arabe où il n'est parlé ni de Scheherazade, ni du sultan Shahriar, ni de Dinarzade, ni de distinction par nuit. Cela fait voir que tous les Arabes n'ont pas approuvé la forme que cet auteur lui a donnée et qu'une infinité se sont ennuyés de ces répétitions qui sont à la vérité très inutiles. On aurait voulu s'y conformer dans cette traduction, mais sans parler des autres raisons, on y a trouvé des difficultés si grandes qu'on a été obligé de ne plus s'y arrêter. On est bien aise cependant d'avertir encore les lecteurs que Scheherazade parle toujours sans être interrompue. Vous trouverez donc sur le site audiocité.net à partir de maintenant la suite des histoires des Mille et Une Nuits selon leur titre et non plus rangées dans l'ordre des nuits.